Ruth chapitre 3. Et Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, ne te chercherai-je pas repos, afin que tu sois heureuse ? Maintenant donc, Boaz, avec les jeunes filles duquel tu as été, n'est-il pas de notre parenté ? Voici, ils vannent cette nuit les orges qui ont été foulées dans l'air. C'est pourquoi lave-toi, et oins-toi, et mets sur toi tes plus beaux habits, et descends dans l'air, mais ne te fais point connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Puis, quand il se couchera, sache le lieu où il couchera, et entre, et découvre ses pieds, et te couche, et il te dira ce que tu auras à faire. » Et elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu me dis. » Elle descendit donc à l'air, et fit tout ce que sa belle-mère lui avait commandé. Et Boaz mangea et but, et, étant devenu plus gai, il se vint coucher au bout d'un tas de javel, et elle vint tout doucement, et découvrit ses pieds, et se coucha. Et sur le minuit, cet homme s'épouvanta, et retira ses pieds, car voici, une femme était couchée à ses pieds. Et il lui dit, « Qui es-tu ? » Et elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante, étends le pan de ta robe sur ta servante, car tu as droit de retrait lignagé. » Et il dit, « Ma fille, que l'Éternel te bénisse. Cette dernière gratuité que tu témoignes, est plus grande que la première, de n'être point allée après les jeunes gens, pauvres ou riches. Or maintenant, ma fille, ne crains point, je te ferai tout ce que tu me diras, car toute la porte de mon peuple, sait que tu es une femme vertueuse. Or maintenant, il est très vrai que j'ai droit de retrait lignagé, mais aussi il y en a un autre, plus proche que moi, qui a le droit de retrait lignagé. Passe ici cette nuit, et quand le matin sera venu, si cet homme la veut et useur envers toi du droit de retrait lignagé, à la bonne heure, qu'il en use, mais s'il ne lui plaît pas d'useur envers toi du droit de retrait lignagé, j'en userai envers toi, l'Éternel est vivant. Demeure ici couché jusqu'au matin. » Elle demeura donc couchée à ses pieds jusqu'au matin, puis il se leva avant qu'on se pût reconnaître l'un l'autre, car il dit, qu'on ne sache point qu'aucune femme soit entrée dans l'air. Puis il dit, « Donne-moi le linge qui est sur toi, et tiens-le de ta main. » Et elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge, et les mit sur elle, puis il rentra dans la ville. Et elle vint vers sa belle-mère, laquelle lui dit, « Qu'as-tu, ma fille ?» Et elle lui déclara tout ce qui s'était passé entre cet homme et elle. Et elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge, car il m'a dit, « Tu ne retourneras point à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Ma fille, demeure ici jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire se terminera, car cet homme-là ne se donnera point de repos, qu'il n'ait achevé l'affaire aujourd'hui. »